La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous retrouver pour parler jusqu'à jeudi de l'écrivain anglais J.R.R. Tolkien 1892-1973. Il a été admiré par de très grands médiévistes, aussi bien que dénigré par une bonne partie de la critique littéraire. Ses livres sont autant taxés de faire l'apologie du militarisme que lus comme une allégorie de la non-violence. On le lit d'ailleurs à droite comme à gauche et à tous les âges. Mais qui était donc Tolkien, ce personnage inclassable? C'est ce que nous allons tenter de voir ici jusqu'à jeudi. Jeudi justement, nous serons avec Anne Besson, spécialiste de fantasy, qui viendra nous parler de ce genre auquel on peut rattacher Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit et Le Silmarillion, même si parler de fantasy ne suffit pas du tout à décrire cette littérature. La veille mercredi, nous aurons parlé du Tolkien catholique et de la place de la spiritualité et de la religion dans son œuvre. Ce sera avec Léo Carruthers. Enfin demain, avec Isabelle Pantin, nous reviendrons sur quelques-unes des sources et inspirations de Tolkien, les mythes, mais également la guerre de 14, ainsi que sa pensée politique à dominante, conservatrice. Et aujourd'hui ? Le pouvoir d'Isengard est à vos ordres, Sauron, seigneur de la terre. Asgore, constituez-moi une armée digne du Mordor. Aujourd'hui, pour raconter la vie de Tolkien, nous sommes avec Vincent Ferré, auteur du premier livre en français consacré au Seigneur des Anneaux, intitulé « Tolkien sur les rivages de la Terre du Milieu » et publié en 2001 aux éditions Christian Bourgois. Il est aussi l'auteur de l'essai « Lire J.R.R. Tolkien » chez Pocket en 2014, dans lequel il affirmait que lire Tolkien, en particulier « Le Seigneur des Anneaux », c'est éprouver toute la palette des émotions. Enfin, il a traduit la biographie de l'écrivain, écrite par Humphrey Carpenter. Elle est disponible elle aussi chez Pocket. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. I cannot read the party letters, said Frodo in a quavering voice. No, said Gandalf, but I can. The letters are Elvish, an ancient mode, the language that of Mordor, which I will not utter here. This in the common tongue is what is said, close enough. One ring to rule them all, one ring to find them, one ring to bring them all, in the darkness bind them. There's only two lines of a verse long known in Elven lore. Three rings for the Elven kings under the sky, Tolkien lisant un extrait de son livre Le Seigneur des Anneaux. Bonjour Vincent Ferré. Bonjour. Alors avec vous aujourd'hui, on voudrait raconter la vie de cet écrivain et cela, bien que lui-même n'était pas tellement du genre à vouloir se raconter. Non, effectivement, il avait tendance à mettre à distance les demandes d'interview, les demandes d'entretien. Il était conscient qu'il était difficile de le caser, de le mettre dans une case, lui ou son œuvre. Et donc, on le voit très bien dans le début de la biographie que vous avez mentionnée, il joue un rôle qui décontenance complètement son biographe. Par exemple, racontez-moi. Bah en fait, le début du texte de Carpenter montre que Carpenter ne sait pas si Tolkien croit vraiment à l'existence des elfes. Et du coup, ça a participé de cette image d'auteur un peu excentrique, un petit peu en dehors du monde, alors que c'est un contresens complet sur l'œuvre. Chez Tolkien, l'usage du merveilleux est très réfléchi et est censé nous ramener au monde réel. Et le merveilleux n'est qu'un détour pour parler du monde. Donc vous êtes en train de nous dire comme ça, de but en blanc, que la biographie que vous avez traduite de Humphrey Carpenter, finalement, elle n'est pas si bonne que ça. Non, en fait, déjà, j'ai révisé la traduction qui existait, j'ai co-traduit avec Delphine Martin les lettres de Tolkien qui, pour le coup, font entendre de manière plus authentique la voix de Tolkien, toujours aux éditions Bourgois. Non, c'est une biographie de référence qui a ouvert la voie à des travaux ultérieurs, par exemple sur Tolkien et la Grande Guerre de John Garth. Il faut la prendre avec des pincettes, parce que Tolkien n'aimait pas répondre en peu de mots. Il avait tendance à écrire 20 pages quand on lui posait une question, donc l'exercice de l'entretien avec les médias était très compliqué pour lui. Et parfois, il était pris au pied de la lettre ou rapproché, vous voyez, un inventeur de fiction imaginaire vivant à Oxford, on l'a rapproché de Lewis Carroll avec Alice. Ça l'en est furieux. Mmh. C'était quand même quelqu'un de pudique et quelqu'un qui considérait qu'il valait mieux ne pas écrire la vie des écrivains. Il avait tendance à considérer que le rapport entre la vie et l'œuvre est particulièrement complexe, mais vous avez raison de commencer par une présentation de la trajectoire de Tolkien au cours du XXe siècle, parce que on a souvent tendance à considérer qu'il a une vie ordinaire, alors qu'il est certainement un écrivain qui a eu une vie extraordinaire. Alors, extraordinaire, mais vous voulez dire d'un point de vue intérieur, parce que tout de même, et malgré tout, il semble ne pas avoir eu une vie d'aventure. Soldat, officier pendant la Première Guerre mondiale, ayant perdu la plupart de ses amis au combat, ayant survécu à la mort de son père, de sa mère, ayant profondément révolutionné l'enseignement de la littérature anglaise à Oxford et encore aujourd'hui en étudiant. Est-ce qu'il était célèbre comme professeur avant d'être célèbre comme écrivain? Il a marqué des générations d'étudiants, dont W.H. Auden, dont on parlait tout à l'heure, le futur prix Nobel. Donc c'est quelqu'un qui a eu vraiment une aura considérable. Aujourd'hui encore, lorsqu'on travaille sur Beowulf, le grand poème épique anglais, c'est le texte de Tolkien qu'on cite en premier. Pour moi, j'utilise souvent une analogie qui est parlante pour les Français. Tolkien, c'est l'équivalent d'Umberto Eco. Mmh. Du côté anglais, vraiment, il a eu cette importance-là. Alors, on va quand même reprendre cette biographie par le début et dire que, alors ça c'est original pour commencer, il est né, Tolkien, en Afrique du Sud. Ses parents, Arthur Tolkien et Mabel Suffield, se sont mariés à la cathédrale du Cap le 16 avril 1891. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce rattachement à l'Afrique du Sud? Alors déjà, qu'il est né dans le sud de l'Afrique et pas l'Afrique du Sud, et ça a son importance. Il est né à Bloemfontein, dans l'État libre d'Orange. Donc géographiquement, c'est dans le sud de l'Afrique. Mais il est né de parents anglais. Son père travaillait comme directeur de la banque ponctuellement. Il était venu d'Angleterre avec sa femme pour se faire une situation, parce qu'elle n'était pas socialement cette situation aussi bonne qu'il l'aurait espéré. Donc Tolkien a vécu les premières années de sa vie jusqu'à l'âge de 3 ans dans le sud de l'Afrique, mais il est revenu en Angleterre pour rendre visite à sa famille, et malheureusement, son père est mort pendant ce séjour, donc Tolkien est définitivement resté en Angleterre. En fait, il est anglais jusqu'au bout des ongles. Il est ancré dans une histoire d'une région, d'une langue à laquelle, auquel il accorde une très grande importance. Alors on peut en dire un peu plus quand même sur ce passage de sa famille, puisque lui probablement n'a pas de souvenir de ce moment à Bloemfontein. Apparemment sa mère s'ennuyait beaucoup et puis c'est le climat qui ne convenait pas. Et c'est le climat aussi qui a fait que elle et ses enfants, parce qu'il a un petit frère de 2 ans plus jeune, sont retournés à Birmingham, laissant le père en Afrique du dans le sud de l'Afrique. C'était ponctuel normalement comme voyage, et ils y sont restés lorsque son père est mort de maladie. Et vous avez raison de mentionner l'importance de sa mère, Mabel, qui a été décisive par son influence, par son affection, mais aussi dans la formation du jeune enfant qu'était Tolkien. C'est elle qui lui a fait aimer le dessin, et Tolkien était un aquarelliste et un dessinateur vraiment extrêmement intéressant. D'ailleurs, il dessine beaucoup pour figurer des cartes, par exemple, des lieux de son œuvre. Mais aussi des paysages mentaux qui accompagnaient la création de poèmes dans les années 1910 lorsqu'il était étudiant à Oxford. Donc sa mère lui a appris, lui a donné un goût pour les arts visuels, lui a appris le dessin, elle lui a donné aussi un goût pour les langues. Et Tolkien était un polyglotte extraordinaire, et des langues réelles, il est passé aux langues imaginaires à un moment donné. Et elle est importante aussi en raison de sa mort lorsque Tolkien avait 12 ans, et ça a été un deuxième arrachement dévastateur pour lui. Il a fallu surmonter la disparition de cette personne qui était, de sa manière, tout pour lui à l'époque. Il s'est retrouvé orphelin, et il y a un paradoxe dans sa vie qui est cette solitude profonde et un goût pour la relation avec autrui. Alors, dans tous les cercles, on ne le sait pas forcément, parce qu'on a souvent l'image de Tolkien en patriarche, c'est celui qu'on voit sur les couvertures des livres. Tolkien était un jeune homme extrêmement populaire à Oxford. Il était grand joueur de rugby. Voilà, capitaine de l'équipe de rugby dans son lycée à Birmingham, président de toutes les societies possibles et imaginables, faisant les 400 coups comme les étudiants d'Oxford pouvaient le faire au début du XXe siècle et le font encore maintenant. Et puis, il a été donc à un moment donné officier pendant la Première Guerre mondiale dans les transmissions. Dès maintenant. Il faut expliquer aussi que sa mère va faire l'éducation, alors va lui donner le goût évidemment du dessin et de la lecture, mais plus globalement jusqu'à 7 ans, il est élevé et éduqué par sa mère. Dans un décor qui est un décor rural d'un petit village situé non loin de Birmingham, et l'attachement de Tolkien à la nature anglaise est vraiment extrêmement fort. Et il faut bien imaginer à quel point pour un Anglais qui naît en 1892 et qui est dans un contexte d'industrialisation, hein, il explique quand il va vivre à Leeds un peu plus tard, il expliquera que dès qu'on sortait dans le jardin, on prenait de la suie sur le visage. Bon, ce souvenir d'enfance va être primordial et d'une certaine manière, il va le retraduire dans son œuvre à travers toute une série de descriptions. Et le goût... Par exemple En fait, je pense, dans Le Seigneur des Anneaux, qui est donc son grand texte publié en 54-55 et qui est un récit d'aventure, pour le dire rapidement, une sorte de roman historique qui se passe dans un monde imaginaire. Roman historique, vous diriez? Ah oui. Ah oui, les lecteurs qui aiment les romans historiques, qui aiment Walter Scott, même qui aiment Dumas, vont adorer Le Seigneur des Anneaux. Il n'y a rien d'historique dans Le Seigneur des Anneaux, rassurez-moi. Ben, ça dépend. Si on le prend au pied de la lettre, c'est un texte issu d'un manuscrit réel qui nous est parvenu et qui raconte le monde il y a des milliers d'années et qui est situé dans une région qui est en fait notre Europe. Donc il y a beaucoup de malice de la part de Tolkien qui se situe dans une tradition qu'on peut retracer, qui remonte au moins au Moyen-Âge, puis au XVIIIe siècle des manuscrits retrouvés. Mais donc cet éloge de la nature, on le retrouve par exemple dans toutes les scènes de contemplation du Seigneur des Anneaux. On l'oublie souvent à cause des films, mais Le Seigneur des Anneaux ménage de longs moments de pause où on contemple la nature. La compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons de Tolkien et nous racontons sa vie avec vous. Vincent Ferré, on parlait de sa mère, qui est une fervente catholique elle aussi. Et ça, il faut le préciser parce que ça va avoir aussi une influence importante dans l'endroit où vont s'installer ce qui reste malheureusement à l'époque de la famille Tolkien, puisque le père... on l'a dit, est mort de diabète, je crois, en Afrique du Sud. Voilà. Oui, en fait, elle se convertit au catholicisme. Et vous avez raison, c'est elle qui meurt de diabète. Son père est mort d'une fièvre. Et Tolkien va garder l'image d'une sorte de martyr. Et il va profondément lier cette foi catholique à l'image de sa mère. Si on se fonde, et Léo Carutor s'en parlera mieux que moi mercredi, mais si on se fonde sur ce qu'écrit Tolkien de sa foi, on est marqué par une forme... Ce qui compte le plus, c'est l'amour d'autrui dans sa conception de la religion catholique. Le souci d'autrui est une sorte de volonté de rendre heureux les gens autour de lui et qui se traduit par une générosité extrêmement importante à l'égard de tous ses lecteurs dans les lettres qu'il leur adresse en réponse et de sa famille. Donc c'est quelqu'un qui place, je pense, une forme d'amour au-delà de tout dans cette vision du catholicisme. Alors, mais le catholicisme au quotidien, parce que c'est présent aussi dans la famille Tolkien, ça signifie déménager pour être au plus près de l'église ou de la communauté qui est intéressante pour la mère de Tolkien. Et d'ailleurs, c'est un prêtre qu'elle va confier la garde des enfants lorsqu'elle va mourir en 1904, le père Francis Morgan. Mmh. Et Tolkien va être intégré... couvé, j'ai envie de dire, avec beaucoup de bienveillance par une communauté. Et cette idée de la relation à un groupe va être fondamentale. Je ne vais pas faire de psychanalyse rapide, mais disons que sa relation à un groupe va se retrouver plus tard comme lycéen. Il va fonder un groupe d'amis partageant des goûts et se lisant des textes. Un autre groupe qui s'appellera les Inklings et qui comptera des gens importants comme C.S. Lewis... que Tolkien a convaincu d'écrire des textes comme lui, et aussi Christopher Tolkien, le quatrième enfant de Tolkien, qui, de nos jours, à qui on doit l'édition de la plupart des textes de son père. Sans ça, Christopher... Il a même édité de manière posthume un certain nombre de grands textes de son père. Quand il a tout organisé, tout vérifié. Disons que lorsque Tolkien est mort en 73, on n'avait que la pointe de l'iceberg. On avait Le Hobbit, Le Seigneur des Anneaux. C'est une grosse pointe quand même. Ouais, mais en fait, quand on compare aux dizaines de milliers de pages qui restaient, qui étaient désordonnées, laissées dans le bureau, alors de manuscrits très souvent achevés, qui pouvaient être publiés. Mmh. Mais Tolkien est quelqu'un qui écrivait en vers, en prose, des versions successives des mêmes histoires, une forme de recherche de la forme qui l'amenait le plus souvent à laisser de côté les textes sans les faire paraître. La publication n'était donc pas un objectif premier pour lui. Non, puisqu'il lisait les textes à ses amis. Donc je rejoins ce qu'on disait tout à l'heure, les Inklings, les TCBS, son fils Christopher, qui a été le premier auditeur de son père, c'était les destinataires naturels de l'œuvre de Tolkien. Il avait l'habitude de lire aussi certains de ses textes, le fermier Gildeham par exemple, dans le cadre de rencontres de societies à Oxford. La publication du Hobbit en 37 est un pur accident. Alors on y reviendra probablement. Je voudrais qu'on retourne un peu un moment dans l'enfance de Tolkien, même si on fait comme ça des allers-retours. Il y a cette idée quand même que bon, il est né en Afrique et puis il part très tôt à Birmingham. Il change beaucoup de lieu d'habitation et puis après il va y avoir donc la mort de sa mère. On va raconter où il sera placé. Toujours est-il qu'on a l'impression, dès le départ et pendant toute son enfance, toute sa jeunesse même, d'un enfant et d'un adolescent sans foyer, Vincent Ferré. Exactement, et le foyer qu'il va se choisir, c'est Oxford, qu'il va rejoindre en 1911 comme étudiant, grâce à une bourse qu'il a obtenue, parce que c'est un excellent élève au lycée, et il va commencer par faire des études de latin et de grec, à Exeter College, là où était passé William Morris, par exemple. Et il va se recréer une communauté et une place. Et toute l'œuvre de Tolkien est traversée par cette réflexion sur l'ancrage dans un lieu, dans un rapport à des gens qui parlent des langues, alors l'anglais hein, quand il est étudiant, et une langue qui a une histoire. Et si j'énumère ces éléments-là, c'est parce que ce sont ceux qui vont être constitutifs de l'univers imaginaire qu'il commence à créer à partir de 1914, mais surtout de 1916. Alors la langue, évidemment, c'est très très important pour Tolkien. Je vous propose d'écouter une lettre envoyée précisément à l'écrivain Oden, une lettre de 1955, lue ici par Jérôme Kircher. Et c'est une lettre dans laquelle il parle du moment où il était étudiant à la King Edward School, c'est-à-dire donc pendant son adolescence, et il parle précisément de cet amour et de cette fascination pour les langues. Je suis allé à la King Edward School, à Birmingham. Et j'ai consacré l'essentiel de mon temps à apprendre le latin et le grec. Mais j'ai également appris l'anglais, pas la littérature anglaise, à l'exception de Shakespeare, que je détestais cordialement. Le principal contact avec la poésie consistait à devoir tenter de la traduire en latin. Ce n'est pas une mauvaise initiation, même si c'est un peu superficiel. J'entends par « appris l'anglais » des notions de la langue et de son histoire. J'ai appris l'anglo-saxon à l'école, ainsi que le gothique, mais ça c'était accidentel et sans aucun lien avec le programme, même si cela a été décisif. J'ai découvert à cette occasion non seulement la philologie historique moderne, qui faisait appel au côté historique et scientifique, mais aussi, pour la première fois, l'étude d'une langue par pur amour. Je veux dire, pour l'amour du plaisir esthétique intense tiré d'une langue prise pour elle-même, non seulement sans souci de son utilité, mais même sans qu'elle soit le médium d'une littérature. Il y a deux fils, ou trois. Un autre fil est la fascination que j'éprouvais depuis l'enfance pour les noms gallois, même seulement aperçus sur les wagons de charbon. Et bien que l'on ne m'ait donné que des livres incompréhensibles pour un enfant lorsque je demandais à en savoir plus. Je n'ai appris le gallois que lorsque je suis devenu étudiant, et j'y ai trouvé une satisfaction linguistico-esthétique permanente. L'espagnol est encore un autre fil. Mon tuteur était à moitié espagnol, et dans ma prime jeunesse, je chipais régulièrement ses livres pour tenter d'apprendre la langue. La langue romane, la seule langue romane à me procurer ce plaisir particulier dont je parle. Ce n'est pas tout à fait la même chose que la simple perception de la beauté. Je perçois la beauté de l'italien, par exemple, ou même sur ce point de l'anglais moderne, qui est très éloigné de mes goûts personnels. Mais ce plaisir-là est plutôt comme de l'appétit pour une nourriture indispensable. Cet appétit, cette fascination pour les langues, Vincent Ferré, ça vient donc très tôt et puis ça ne quittera jamais finalement Tolkien. Ouais, cette lettre est assez frappante parce qu'on entend le désir de trouver une langue où on se sente chez soi. Et une langue qui a encore à voir là ici avec une figure paternelle, hein, son tuteur, celui qui avait sa garde après la mort de sa mère. On entend aussi le genre de formules qui ont beaucoup fait couler d'encre. Shakespeare que je déteste cordialement. Et en fait, il y a un jeu de mots, c'est-à-dire que cordialement, et quand on regarde le texte anglais, c'est de tout mon cœur. Et en réalité, c'est un clin d'œil, puisqu'on sait que Tolkien est extrêmement intéressé par le théâtre de Shakespeare, et beaucoup, quelques scènes du Seigneur des Anneaux sont des hommages à Shakespeare. Mais vous voyez typiquement le genre de chausse-trappe. Pour faire une parenthèse, on a l'impression qu'il faut pas mal de notes de bas de page, finalement, à un écrivain dont on a l'impression qu'il est finalement assez compréhensible, pour voir exactement ce qu'il en est. Vous avez raison. La question du décodage de Tolkien pour les lecteurs français est vraiment compliquée. Quand on lit Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, on le lit avec en tête des images collectives qui nous viennent de quoi ? Du roi Arthur, de la chanson de Roland. Qui sont pas fausses, quand même. C'est pas faux, mais c'est un certain Tolkien. Et en particulier, on en reparlera, mais en France, les textes de Tolkien qui ont d'abord été traduits sont des textes qui l'ont amené à être rangé dans la littérature de jeunesse ou dans la littérature de fantasy. On est complètement passé à côté du lecteur spécialiste de littérature médiévale, du lecteur théoricien du merveilleux qui précède, par exemple, Bettelheim d'une trentaine d'années, avant que les éditions Bourgois relancent l'édition complète de ces textes au début des années 2000. Mmh. Donc c'est une remarque. Ce qu'on entend aussi, c'est le Tolkien autodidacte. Il a fait du latin et du grec, et puis il était plus intéressé par d'autres choses. Il a failli rater ses études à Oxford avant une réorientation de dernière minute qui lui a permis d'étudier ce qui lui plaisait fondamentalement, les langues germaniques, médiévales. Et on a l'impression que c'est le son de ces langues-là qui le passionne profondément. Dans une autre lettre, Tolkien rapproche son goût des langues pour le goût de la musique, en disant que certains composent de la musique parce qu'ils sont à l'aise avec les sons. Lui compose des langues imaginaires, et il l'a fait très tôt dans sa vie, d'abord pour communiquer avec des proches, des cousins et des cousines, puis il est resté dans cette réflexion sur la recherche d'une langue qui lui permettrait d'exprimer exactement certaines idées, ou de langues qui soient vraiment liées aux différents peuples peuplant le monde qu'il imaginait. Et dans son univers, il y a toute une diversité de peuples qui représentent des facettes de l'humain, et chacun de ces peuples a une langue à soi. Alors quelles sont les langues qu'il n'aime pas, à contrario, parce qu'il y en a ? Ce serait difficile à dire. Un autre extrait des lettres. On dit souvent qu'il n'aimait pas le français, mais allez nous dire que ça, ce n'est pas vrai ? Non, ce n'est pas vrai. Non. Quand moi j'ai eu le plaisir de voir une partie de la bibliothèque de Tolkien, et on est frappé par la diversité des grammaires, des lexiques, des dictionnaires qui sont présents. Donc c'est vraiment quelqu'un qui avait l'air d'aimer toutes les langues, mais qui a voulu composer à son tour, comme un musicien. Alors pour revenir à l'enfance de Tolkien, on l'a laissé à la mort de sa mère, son tuteur, qui est donc le prêtre Francis, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est comme ça qu'il s'appelle, s'occupe donc de placer les enfants, et il les place d'abord chez leur tante Béatrice, c'est ça ? Oui. Bon, ça va être une première expérience et elle restera extrêmement importante dans sa vie. Mais j'imagine que vous allez évoquer maintenant la rencontre qu'il va faire avec sa future femme. Avec sa future femme. Mais bien sûr, vous lisez dans mes pensées, comme c'est bien fait. Alors, bon, on en vient à un épisode fondamental qui est lorsqu'il a 16 ans, Tolkien rencontre une autre orpheline dans une pension. Edith Bratt. Donc parce que ça marche pas bien chez la tante Béatrice, visiblement elle est pas très contente d'avoir ses deux enfants et de s'en occuper. Bon, j'ai un petit peu oublié ces détails-là, mais je retiens surtout cette rencontre qui va être fondamentale parce qu'il va rencontrer une jeune fille qui lui ressemble à bien des égards, qui est orpheline également, qui a un goût, elle, de la musique. Elle joue très bien du piano. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils vont être séparés par ordre du tuteur de Tolkien, qui va interdire à Tolkien d'avoir des contacts avec Edith jusqu'à sa majorité à l'âge de 21 ans. Donc c'est l'amour interdit. C'est l'amour interdit. Et cette relation-là, qui va durer toute sa vie avec Edith jusqu'à la mort de sa femme, peu avant celle de Tolkien, va être absolument fondamentale parce qu'ils vont construire, mais aussi parce qu'elle va être à l'origine, d'une certaine manière, de toute la création fictionnelle. C'est-à-dire ? Ouais, c'est quel suspense. Parmi les moments de naissance de l'œuvre de Tolkien, il y a la création de poèmes autour de noms propres et Arendelle, etc. Mais de sa manière, ça prend autour de quelques noms propres, dont on va parler, mais aussi autour d'une scène fondatrice qui est que lorsqu'il est convalescent, après être revenu du front, donc en 1916, Tolkien va voir sa femme danser dans une clairière. Mmh. Et il va en tirer la scène du coup de foudre dans Beren et Lucienne, de l'histoire de l'homme, Beren, qui vit un amour interdit pour une elfe, Lucienne, qui va le conduire à accomplir un exploit pour se montrer digne d'elle. Et cette histoire de Beren et Lucienne, Christopher Tolkien a publié l'année dernière un livre qui porte le même titre. Donc Beren, le fils. Et il va montrer à quel point elle est au cœur de la création de cet univers, que parfois on appelle mythologie, mais aussi légendaire. Mmh. Voilà. Donc là, La rencontre avec Edith est fondamentale, et aussi la création d'une famille avec 4 enfants. Et en même temps, c'est un amour qui est un petit peu fabriqué par le père Francis, parce que il est très probable, c'est en tout cas ce qu'on lit dans votre biographie, que, enfin celle que vous avez traduite et révisée, que finalement c'était une petite amourette cette histoire, et que le fait de les séparer, alors que ce sont deux personnalités apparemment extrêmement différentes, le fait de les séparer finalement les a évidemment rapprochés. Donc c'était très romantique quand même dans cette histoire. Oui, c'est très romantique, mais... Il est très difficile d'avoir une idée exacte de ce qui s'est passé, puisque parmi les lettres publiées, très peu ont trait à leur relation avant leur mariage en 1916. Ce qui est certain, c'est qu'elle a joué un rôle fondamental et aussi qu'elle a, d'une certaine manière, cimenté la vie de Tolkien entre l'universitaire d'Oxford, très engagé dans l'enseignement, le père de famille, l'homme très soucieux de la santé de sa femme. Il en parle énormément dans les lettres ultérieures. Elle était aussi celle qui... a pris sous la dictée les premiers contes perdus de Tolkien quand il était alité et trop fatigué pour écrire lui-même. Donc, vous voyez, on parlait de la figure maternelle tout à l'heure. Là, il y a une autre figure féminine qui est complètement liée à la naissance de l'œuvre. Et il ne faudrait pas minorer la place de cette femme. La compagnie des auteurs sur France Culture. Alors, on n'a pas parlé d'un homme, Joseph Wright, qui était un des professeurs de Tolkien quand il était étudiant à Oxford. C'est quelqu'un qui lui a transmis beaucoup, Vincent Ferré. Il l'a beaucoup impressionné. Il lui a montré qu'on pouvait travailler en autodidacte et devenir expert dans son domaine. Et Wright fait partie de ces figures tutélaires de professeurs qui, à Oxford, ont aidé Tolkien à trouver son propre chemin, sa propre voie, qui était une manière de découvrir en même temps la littérature et les langues. Et dans un magnifique texte de 1959, qui est son discours d'adieu à l'université d'Oxford, qui a été publié aux éditions Bourgois dans le volume Les monstres et les critiques, Tolkien revient sur le fait qu'on ne peut pas dissocier les deux. Ce que parfois, dans l'université française, on appelle la linguistique et la littérature, l'étude de la langue et l'étude de la littérature. Pour lui, les deux vraiment allaient de pair, aussi parce que la langue est porteuse d'une histoire. Et on le voit très bien traduit dans la fiction, traduite cette idée dans la fiction, parce que Le Seigneur des Anneaux est un roman publié dans les années 50, où les personnages que l'on rencontre vont utiliser un anglais qui, de sa manière, donne une idée de plusieurs étapes de l'évolution de la langue anglaise. Le héros, Sam, Frodo et Sam, les deux héros, si vous voulez, parlent un anglais contemporain, très marqué socialement. Mais lorsqu'on lit la manière de parler de Gandalf, lorsqu'on rencontre le roi Théoden, on a accès à un autre anglais, calqué par exemple pour le roi Théoden sur la manière de parler, une transposition des rois arthuriens, tels qu'on peut les lire dans le poème Sir Gawain et le Chevalier Vert que Tolkien a édité. Donc, Wright. Qui l'avait beaucoup marqué dès son enfance d'ailleurs, absolument. Ce poème-là. Donc, Wright fait partie de ces personnes qui ont permis à Tolkien de trouver sa place dans l'université. Il a été un ardent défenseur de l'accès des étudiants, au long des décennies, à des textes anciens. Et moi, j'étais très frappé par le fait que lorsqu'il donne des cours aux futurs soldats pendant la Seconde Guerre mondiale à Oxford, il considère comme extrêmement important de leur permettre de découvrir la littérature médiévale pour s'en faire une propre idée. Et peut-être que derrière ça, il y a la volonté de ne pas en rester à l'utilisation, par exemple, du Moyen-Âge. Vous disiez tout à l'heure Tolkien conservateur. C'est partie des étiquettes dont on peut parler, mais... Il était frappé par la manière dont, par exemple, la littérature médiévale était utilisée à des fins de propagande pendant la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Et ça le hérissait. Pour lui, on ne devait pas instrumentaliser la littérature pour faire croire que les soldats sont des chevaliers, pour embellir la guerre, alors qu'en réalité, c'est un carnage qu'il a vécu de très près dans les tranchées, dont il n'a réchappé que par miracle. Alors le miracle, c'est qu'il est tombé malade. D'abord, il ne va pas dans les tranchées tout au début de la guerre. Il y va alors que la guerre est déjà bien entamée, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, il ne va pas y rester finalement très longtemps. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce moment de sa vie ? Bon, en fait, Tolkien a fait le choix de terminer ses études, l'équivalent de sa licence, avant de partir au front. Il explique que ça a été difficile parce qu'il y avait une pression très forte, sociale, pour partir tout de suite au combat. Vous savez, hein, un peu la fleur au fusil. Et il est affecté comme officier des transmissions, puisqu'il connaît très bien les codes, les manières de décoder. Et D'emblée, il explique l'impression d'absurdité des combats, l'idée en plus de se battre contre des Allemands, alors qu'il, Tolkien, c'est un Européen. Il est conscient de la circulation des langues et des textes dans l'Europe. C'est un nom d'origine allemande, Tolkien. En plus, sa famille vient de l'Allemagne. Donc, il y a quelque chose qui est fondamentalement, viscéralement, contre la guerre en lui. Heureusement pour lui, j'ai envie de dire, même si c'est un épisode extrêmement difficile, il tombe malade, gravement malade, donc la fièvre des tranchées, si je dis que c'est le paludisme, c'est une approximation, mais transmise ça donne par les poux à l'époque. Voilà. Et pendant des mois, il reste alité. Il est renvoyé dans un hôpital, une tentative pour l'affecter à d'autres services, et puis finalement démobilisé. Bon. Et il décide de passer à la prose. Et assez souvent, là, on parlait de l'importance de la biographie. Avant cela, il a écrit uniquement des poèmes. Alors, ça fait partie des grands tournants dans la vie de Tolkien. Avant de partir à la guerre, il a envoyé un recueil de poèmes. Si ce recueil avait été accepté, on connaîtrait de Tolkien des poèmes et des aquarelles, et pas forcément un grand roman qu'est Le Seigneur des Anneaux. Le recueil a été refusé, et il est passé à la prose. Il a commencé à inventer des histoires se déroulant dans un monde imaginaire. C'est ce qui s'est appelé les contes perdus. C'est la première version, publiée plus tard par son fils Christopher, éditée par Christopher, de ce qui deviendra le projet du Silmarillion, racontant la création du monde, l'apparition des elfes, les combats entre les dieux. Alors on va parler de tout ça en seconde partie, Vincent Ferré, mais pour le moment c'est en compagnie des revues avec nos amis de Page des Libraires. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et nous avons même un nouvel ami à Page des Libraires, puisque c'est la première fois que vous venez nous voir, Guillaume Ledoirin, bonjour. Oui, bonjour, merci de m'inviter. Vous avez trois lectures à nous conseiller, dont il est question dans le magazine Page des Libraires. Et le premier, c'est un essai de Stefano Massini, Les Frères Lehmann. C'est paru aux éditions Globe, c'est même le prix Médicis Essai, je crois. Voilà, c'est le prix Médicis Essai. Alors, bon, c'est pas tout à fait un essai pour moi. Moi, je trouve que c'est un roman que j'ai eu dans les mains... avant même qu'il ait le prix, forcément. Bah d'ailleurs, la fiction de France Culture l'a adapté. Voilà, l'a adapté, j'ai entendu l'été ça. L'été dernier, ouais. C'est toujours écoutable sur le site, d'ailleurs, de la chaîne. Alors, moi, il y avait trois raisons pour lesquelles j'avais pas envie de le lire. Déjà, il faisait 840 pages. C'était un livre sur... Le Seigneur des Anneaux, ça en fait encore bien plus. Voilà. Enfin, les libraires, ils doivent lire un peu vite, quand même. Hein. Donc là, j'étais parti sur des jours de lecture. En plus, c'était sur les frères Lehmann. Bon, on a un petit peu soupé des frères Lehmann. C'était... Et puis, quand j'ai ouvert le livre, j'ai vu que c'était des vers libres. Alors, je me suis dit, là, c'était très compliqué. Sauf que c'est édité chez Globe. Globe, c'est un éditeur, pour moi, de littérature étrangère vraiment extraordinaire. Et j'en avais entendu parler par ailleurs. Donc, ça m'a vraiment convaincu de me plonger dedans. Je me souviens, c'est un dimanche après-midi, sur mon lit, je me suis plongé pour parler trivialement. Je me suis fait avoir. Je suis parti dans ce bouquin. J'ai été complètement embarqué. C'est un livre tout à fait fascinant sur plusieurs plans. Le premier, c'est que déjà, c'est une histoire familiale, les Lehmann. Donc, il y a le patriarche qui est en Bavière, qui, au XIXe siècle, envoie un fils, un premier fils, Henry, qui va être baptisé Henry quand il arrive aux États-Unis. Et il lui dit, tu pars aux États-Unis et puis tu reviendras. Tu sais pas faire grand-chose de ta vie. Tu reviendras quand tu auras fait fortune. Ce fameux Henry débarque aux États-Unis. Rapidement, il fait venir ses deux frères. Et à partir de là, vous partez dans 150 ans d'histoire des États-Unis. Vous suivez ces Lehmann, cette famille Lehmann. Alors évidemment, le plan famille est intéressant parce que vous avez à la fois cette histoire familiale avec ses morts, ses mariages. Et un des frères notamment qui courtise une femme pendant 700 jours avant de lui déclarer sa flamme et de se marier. Donc vous partez vraiment dans cette histoire familiale, c'est absolument étonnant et épatant. Donc il est plus question des États-Unis et de cette famille que de la banque alors. Alors effectivement, il est question des deux, mais cette histoire des États-Unis, elle est évoquée vraiment de biais. Donc c'est vraiment ça qui est très intéressant, c'est qu'au départ il se lance dans le coton. Donc, il part de New York, mais il se lance dans le coton en Alabama. La guerre de sécession arrive. Il y a un frère qui décide de soutenir les sudistes, l'autre les nordistes. Le coton, rien ne va plus. Ils se lancent dans autre chose. Ils sont toujours friands et avares de progresser, d'être les premiers. Bon, je vais pas tout raconter parce que moi c'est vraiment un livre, je me suis plongé dedans, ça m'a passionné. Ouais. On parle de tout, du téléphone, du chemin de fer, du charbon, du coton, de l'acier, vraiment vous avez un portrait des c'est fabuleux. Ben ça, il faut le lire absolument. Vous en parlez avec passion. Deuxième de vos choix, Guillaume, c'est un livre d'entretien qui s'appelle De la musique entre l'écrivain japonais Murakami et puis le célèbre chef d'orchestre Seiji Ozawa, aux éditions Belfond. Alors là, il est question aussi de rythme, mais bon, comme c'est de la musique, c'est normal. Alors moi, en musique, je suis complètement nul, j'y connais rien. Et moi, ce qui m'a plu dans ce livre, c'est que j'ai appris énormément de choses. Alors le principe, c'est que Murakami et Seiji Ozawa se connaissaient vraiment très lointainement par la fille de Ozawa. Il se rend compte parce qu'Ozawa, à un moment, est gravement malade, donc il fait une petite pause dans sa carrière très prenante de chef d'orchestre. Et tous les deux conversent de musique. Alors, ce qui est vraiment épatant, c'est que à chaque fois, Murakami, qui est quand même très modeste, dit « Moi, je ne connais pas trop la musique, j'y connais. Ouais, » C'est quand même un très, très grand connaisseur de la musique classique. Il est vraiment impressionnant. Mmh. Et à chaque fois, ils mettent sur la platine un disque. Les deux écoutent et après ils font une sorte de petit débriefing de ce qu'ils ont écouté en parlant des tonalités, de la couleur, de l'interprète. C'est passionnant. Donc, il faut l'écouter aussi avec un disque. Alors voilà, exactement. Alors, justement, j'allais en venir là, c'est qu'une fois qu'on a écouté ces entretiens, on n'a qu'une envie, c'est de courir soit emprunter le disque, soit de l'acheter. Et à chaque fois, c'est souvent les mêmes morceaux, mais interprétés soit par des nouveaux musiciens ou dirigés par un nouveau chef d'orchestre. Alors ça, c'est vraiment épatant. Et alors, bon, juste à dire que c'est parfois peut-être un petit peu technique, mais ça regorge aussi d'anecdotes, et je veux juste en narrer une très brièvement. Il y a un fameux concert en 62 où c'est un concerto de Brahms qui est joué et Leonard Bernstein parle au public avant de commencer à interpréter l'œuvre et il dit écoutez moi je cautionne pas du tout ce qu'on va jouer, ça me plaît pas du tout, mais c'est Glenn Gould qui a décidé de jouer comme ça, donc je vais suivre Glenn Gould. Voilà, et il y a plein d'anecdotes comme ça, et eux aussi sur Ozawa, sa conception de la musique, comment un jeune japonais est venu à diriger des orchestres comme ça européens, il se fait une fois en Italie siffler 6 fois de suite, alors qu'il y a sa mère dans le public, ils t'ont encouragé, c'était super, c'est sa mère qui le sifflait, bravo, en fait. Et en fait, pas du tout, il détestait ce que je faisais, enfin, en tout cas c'est un homme brillant, travailleur, qui va voilà, devenir un grand chef d'orchestre, et c'est passionnant. Pour terminer, pourquoi je déteste Noël? Bah oui, c'est un bon livre à mettre sous le sapin, ça. De quoi s'agit-il? C'est un livre de Robert Benchley chez Poinceuil. Alors ça, je me suis dit que c'était une bonne idée pour justement pour Noël, pour mettre au pied du sapin. Ça ferait plaisir à tout le monde. Et en fait, Benchley, c'était une sorte de satiriste, un journaliste qui a beaucoup participé à Vanity Fair et au New Yorker. Et en fait, ce qu'il veut faire, Benchley, lui, c'est toujours rompre avec l'ordre établi. Donc là, c'est une petite compilation de petits sketchs, de petits peanuts, comme ça, des petits pastiches autour de Noël. Et c'est à la fois drôle, et puis en même temps, il y a un petit côté comme ça, un peu anarchisant, où il remet en cause l'ordre établi, juste pour parler d'une petite nouvelle qui est au milieu, qui est tout à fait, qui est vraiment étonnante, c'est... très rapidement, c'est un petit garçon qui joue avec un nono et une montre à gousset. Il essaie de les faire passer dedans. C'est le jour de Noël. Son père vient le voir, lui dit « Oh, ben attends, il y a le Père Noël qui est passé. Viens voir, il y a des cadeaux pour toi. » Alors, le petit garçon est passionné par ses jeux de trois fois rien. Il n'a pas du tout envie de laisser son jeu. Il vient quand même voir les cadeaux que le Père Noël a apportés et ça lui plaît pas du tout. Alors, au final, c'est le père qui joue avec le jeu mécanique que le Père Noël a amené. Puis, le petit gamin, il continue à jouer avec son anneau. Voilà, c'est l'esprit de Benchley. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, souvent, c'est comme ça que ça se passe. Merci beaucoup, Guillaume. Et puis, on vous retrouve bientôt et d'ici là, dans les colonnes évidemment du magazine Page des Libraires. Merci à vous. All these accidents that happen follow the dart. Coincidence makes sense only. You don't have to speak, I feel emotional. C'est une semaine Tolkien dans la compagnie des auteurs jusqu'à jeudi. Nous racontons d'abord sa vie dans cette première émission avec l'un des grands spécialistes de son œuvre, Vincent Ferré, qui a traduit notamment sa biographie écrite par l'anglais Humphrey Carpenter. Et pour repartir dans cette seconde partie, un autoportrait de l'écrivain. Je suis né en 1892 et j'ai passé mes premières années dans la comté, à une époque d'avant la mécanisation. Ou plus important, je suis un chrétien, ce que l'on peut déduire de mes histoires, et même un catholique romain. Je suis en fait un hobbit, en tout sauf pour la taille. J'aime les jardins, les arbres, les terres cultivées sans machine. Je fume la pipe et j'aime la bonne nourriture simple et non surgelée. Mais je déteste la cuisine française. J'aime les gilets décorés et j'ose même les porter en cette morne époque. J'aime beaucoup les champignons cueillis dans les champs. J'ai un sens de l'humour très simple que même mes critiques les mieux disposées trouvent lassant. Je me couche tard, je me lève tard lorsque cela est possible. Je ne voyage guère. J'adore le pays de Galles, enfin ce qu'il en reste, quand les mines et les stations du bord de mer encore plus horribles ont fait leurs basses œuvres. Et tout particulièrement, la langue galloise. Donc c'est un hobbit, alors un grand hobbit, grand par la taille aussi, mais pas que, Vincent Ferret. Il y a beaucoup d'humour dans ce portrait de Tolkien. Il met l'accent sur certaines caractéristiques de ce peuple et en expliquant en fait pourquoi les hobbits représentent un des aspects de l'homme, enfin de l'être humain. Dans une de ses lettres, il explique qu'il a choisi des héros qui font un mètre de haut à peu près et qui ont, comment dire, des réticences à partir à l'aventure et un esprit de clocher qui est représenté par leur taille. Autrement dit, rien ne dispose Bilbo, le hobbit, dans le texte publié en 37, ni les héros Frodo et Sam et leurs compagnons dans Le Seigneur des Anneaux à accomplir des exploits. Et ça, c'est extrêmement important. Tolkien voulait rompre avec les aventures de personnages programmés pour réussir. Dans Le Seigneur des Anneaux, soit ils meurent, comme Boromir, soit ils ne veulent pas être des héros, ou alors ils mettent du temps à sortir de l'ombre. Il y a toute une réflexion sur l'héroïsme dans Le Seigneur des Anneaux. Et alors, quand il dit qu'il est lui-même un hobbit, ça veut dire que lui-même ne souhaite pas être un héros, alors qu'il a participé dans les tranchées, encore une fois, comme on l'a dit, à la Première Guerre mondiale. D'une part, et aussi parce que dans les hobbits, il a choisi de retranscrire le goût pour la nature, qui est le sien, très profondément, le goût pour la collectivité, pour le partage, pour les chants. Et Tolkien est un poète, comme on le voit dans Le Seigneur des Anneaux. Donc, il ne se prenait pas au sérieux, et ça fait ressortir la manière dont il prend au sérieux sa fiction. Parce que, bon, il y a un débat pour savoir s'il a inventé ou pas le mot hobbit. D'après Loïdi, oui. D'après des chercheurs qui pensent que Tolkien a peut-être vu ce mot dans un almanach quand il était enfant, non. Toujours est-il qu'il a choisi de faire de ces sortes de lutins, pour le dire simplement, les personnages principaux de ces récits les plus connus, dans un monde donc, qui s'appelle la Comté, ou le Comté dans la nouvelle traduction, qui est une sorte d'Angleterre transposée. Mais ce n'est pas un Éden, ce n'est pas complètement un lieu qui serait marqué par l'âge d'or, puisque les hobbits sont, je le disais tout à l'heure, ils passent leur temps à se chamailler, en fait, et les véritables héros sortent du monde des hobbits, deviennent des adultes, et vont se confronter à d'autres cultures, celles des elfes, des nains, des hommes, des magiciens également. Ils n'ont pas envie de sortir, on les force à sortir. Lorsque Bilbo il est un petit peu forcé à partir à l'aventure dans le récit pour enfants, qui s'appelle donc le Hobbit, par un magicien et des nains, Frodo, apprenant que l'anneau qui lui a été légué par Bilbo est un objet de pouvoir, et que des cavaliers noirs ont été lancés par le Seigneur des Anneaux à la recherche de cet objet, Frodo est devant un choix. Soit attendre dans sa maison douillette que les cavaliers viennent le chercher et dans le meilleur des cas le mettre à mort, ou partir à l'aventure pour essayer d'empêcher que le Seigneur des Anneaux retrouve cet anneau et l'utilise à des fins terribles. Et en quoi il peut y avoir identification là de l'auteur avec ce peuple des hobbits ? Alors, du lecteur également. En fait, Tolkien... Mais de l'auteur aussi. Ouais, de l'auteur aussi, mais il insiste dans la préface du Seigneur des Anneaux sur le fait que le Seigneur des Anneaux a été écrit non pas comme un récit allégorique où l'anneau serait la bombe atomique parce que le livre a été publié en 54, 10 ans après la guerre, mais comme un récit que tout lecteur peut investir mentalement. Et pour avoir lu de très nombreux témoignages de lecteurs, on est frappé par la manière dont le Seigneur des Anneaux est interprété par beaucoup de lecteurs comme un symbole des épreuves de la vie. Et Tolkien l'a dit dans une interview, le Seigneur des Anneaux a beaucoup de significations possibles, on peut réfléchir sur l'importance du pouvoir, des langues, etc. Mais pour lui, c'est une image de la vie humaine. Autrement dit, de ce qu'on peut faire avant de mourir. Alors comment en vient-il à écrire d'abord Le Hobbit et puis ensuite ce grand roman, Le Seigneur des Anneaux? C'est un hasard complet au sens où, donc on l'a dit tout à l'heure, à partir de 1916, il commence à inventer des récits en prose après avoir écrit des vers sur un monde imaginaire, peuplé d'elfes pour simplifier. Mais en même temps, Tolkien a eu des enfants dont il s'est beaucoup occupé. Il quatre, a inventé quatre. Mmh. Il a inventé des histoires pour eux. Sauf que Tolkien, notamment des lettres au Père Noël, voilà. Des lettres du Père Noël. Quand on commence à le dire, c'est stupéfiant. C'est-à-dire que chaque année, à partir de 1920, Tolkien dessine et écrit une lettre venue du pôle Nord. Elles ont été éditées par Bailey Tolkien, l'épouse de Christopher Tolkien. Donc, et il place cette lettre dans la cheminée, les enfants la trouvent au matin. Et c'est formidable, c'est très prenant, c'est exactement une lecture à faire en ce moment. Mais lorsque Michael, son deuxième fils, perd un petit objet sur la plage, un jouet, Tolkien invente toute une histoire qui s'appelle Reverendum, qui a été publiée en 99, donc bien après sa mort, pour expliquer que ce jouet était un petit chien transformé par un magicien. Et l'une de ces histoires est devenue très célèbre, c'est le Hobbit, qu'il a inventé pour aider ses enfants à s'endormir le soir, mais histoire qu'il a mise par écrit, finalement, puis illustrée, qui est arrivée sur le bureau d'un éditeur, et ça a été le succès éditorial de 1937 qui a donné naissance indirectement au Seigneur des Anneaux. Parce que l'éditeur va demander immédiatement, ça c'est les éditeurs, hein, on les connaît, quand ça fonctionne, ils en veulent d'autres. Et donc, il va demander à ce qu'il y ait une suite. Mais Tolkien, lui, n'est pas tellement pressé de donner cette suite-là. Mais vous pensez bien qu'il a été pris de court. Il invente des histoires héroïques, légendaires autour d'elfes, des histoires épiques pour le dire simplement, qui vont être publiées aussi après sa mort, donc par exemple Les Enfants de Hurin. Il travaille sur un projet qui s'appelle le Silmarillion et qu'il ne va jamais réussir à boucler complètement. Qui est donc l'espèce de genèse à l'ensemble de son l'apparition, monde. Quoi. L'apparition du monde, le rôle joué par un dieu unique, c'est pour ça qu'il dit que ces textes, on entend bien qu'il y a un arrière-plan chrétien. Et par ailleurs, ce qui a du succès, c'est un texte pour enfants. Sauf que les enfants grandissent. Et là, le rôle de Christopher Tolkien, dont on parlait tout à l'heure, son troisième enfant, et son éditeur, est fondamental, puisque Le Seigneur des Anneaux est d'une certaine manière adressé à Christopher Tolkien, qui entre-temps a grandi. Tolkien va écrire ce texte entre 37 et la parution en 54, en l'adressant par épisode à son fils. Christopher Tolkien va dessiner des cartes, va encourager son père. Donc, le lectorat, qui était celui du Hobbit, n'est plus un lectorat d'enfants, mais un lectorat d'adultes, de jeunes adultes ou d'amis proches, donc les Inklings à Oxford, des professeurs, des enseignants d'Oxford, ce qui explique que la tonalité du Seigneur des Anneaux soit complètement différente de celle du Hobbit. Alors, parmi ses amis proches, et notamment les groupes de lecture que Tolkien crée et auxquels il appartient, il y a évidemment C.S. Lewis, vous l'avez tout à l'heure évoqué. C'est vraiment intéressant leur relation, parce qu'on sent qu'il y a d'abord une émulation, et puis ensuite il y a comme une espèce peut-être de jalousie, ou en tout cas de distance qui s'installe entre eux. C'est une relation très bien étudiée, par exemple, par Irène Fernandez dans un très beau livre publié il y a quelques temps. En fait, Lewis et Tolkien se reconnaissent presque comme des frères au début. Quand ils se rencontrent au milieu des années 20 à Oxford, ils aiment la littérature médiévale, ils lisent ensemble des sagas nordiques en norrois, ils traduisent. Et puis, dans une promenade restée célèbre, ils font une sorte de pacte. Ils trouvent qu'il n'y a pas assez de récits à la William Morris ou de récits imaginaires que maintenant on va appeler fantasy, qui donnera ultérieurement Harry Potter, Game of Thrones, etc. Et ils décident d'en écrire eux-mêmes en faisant, je disais, un pacte. Lewis va écrire des récits se passant dans un autre monde. Et Tolkien va écrire un récit se passant dans un temps passé. Mais quel est l'intérêt de ce pacte? Séparer comme ça l'espace et le temps? Parce que Tolkien a toujours raisonné comme ça, en travaillant en collaboration. Lorsque ses amis du TCBS sont morts pendant la guerre 14-18, ça a mis un terme. Le TCBS, c'est le groupe d'amis lycéens. Voilà. Ouais. Ça a mis un terme à un projet collectif qui était de travailler à un grand projet littéraire pour l'Angleterre. Bon, eh bien, en rencontrant C.S. Lewis, il a fait une autre sorte de projet. Mais vous voyez, c'est encore un texte adressé à quelqu'un. C'est dans l'amitié qu'il a travaillé, qu'il a écrit. Et Tolkien a permis à C.S. Lewis d'être publié. Il l'a beaucoup encouragé. C.S. Lewis a d'abord joué aussi un rôle extrêmement important pour lui en lisant les textes, en lui faisant des remarques et en riant, parce que Tolkien ne tenait jamais compte de ce qui lui était fait comme remarque. Il déchirait tout, il recommençait, mais au moins il avait un lectorat extrêmement intéressé et capable de le comprendre et d'entendre les différents niveaux de lecture du Seigneur des Anneaux, mais aussi du fermier Gilles de Ham, par exemple, qui est un récit comique apparemment néo-médiéval, mais qui multiplie les références à la philologie. Et puis, l'histoire les a un petit peu séparés, des questions de religion également, puisque Lewis a fait des choix un peu différents, mais cette amitié est fondamentale. Mmh. Il y avait aussi l'idée que finalement, le monde de Narnia serait quand même très inspiré Plus que le contraire du monde de Tolkien. Oui, Tolkien a des remarques un petit peu amères dans sa correspondance quand il fait remarquer que Lewis a des noms propres qui rappellent beaucoup les siens, alors que les noms chez Tolkien sont vraiment liés à un réseau de langues et ont une signification. Pour les auditeurs curieux, vous pouvez regarder par exemple ce qu'on appelle les étymologies, qui sont des mots elfiques classés par racines. C'est absolument prodigieux. Ce qu'ils ont aussi de commun, c'est la manière dont ils ont décidé de parler du monde contemporain par le détour du merveilleux. J'en parlais un petit peu tout à l'heure. Pour défamiliariser le lecteur. Lorsque le lecteur est plongé dans Le Seigneur des Anneaux, il est à la fois en terrain connu parce que il y a des fleuves, il y a des forêts, bon. Et en même temps, il y a des éléments qui viennent le surprendre. Les hobbits font 1 mètre de haut. On l'oublie par moments. Il y a un petit peu de magie. Bon. L'idée de Tolkien, et il l'a vraiment expliqué dans son essai sur les contes de fées, c'est que le lecteur suspende son incrédulité, accepte, entre complètement dans l'histoire, et que lorsqu'il referme le livre, il voit le monde qui l'entoure différemment. Donc il a essayé d'être très clair là-dessus. Ce n'est pas une littérature d'évasion au sens où ce serait un moyen d'échapper au quotidien, mais c'est une manière de revenir vers le monde réel par le détour du merveilleux et de la fiction. Et ça va fonctionner au-delà même de ses propres espérances. On pourrait raconter la longue histoire de la publication du Seigneur des Anneaux, parce que ça ne se fait pas facilement. C'est un livre qui est extrêmement épais. Les éditeurs n'en veulent pas forcément, mais en tout cas, le succès va être immense et va passer beaucoup par les campus américains, c'est ça, Vincent Ferret ? Exactement. Le succès de Tolkien, une dizaine d'années après la publication du Seigneur des Anneaux, passe par les États-Unis lorsqu'une édition poche, est publiée. Et une édition pirate ? Oui, d'abord une édition pirate, puis une édition autorisée. Du coup, il y a une sorte de polémique qui fait connaître le texte. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'une certaine jeunesse américaine, celle de la contre-culture, s'empare du Seigneur des Anneaux, y lisant un éloge de la nature, un éloge de la fraternité, une opposition à la guerre. Et le Seigneur des Anneaux va être brandi un peu comme étendard, comme lors de la marche contre les armes en mars 2018, Harry Potter a pu être brandi, par des manifestants de jeunes américains. Donc la fantaisie, là, va être saisi comme une manière de parler du monde et de proposer alors à la fois une utopie et en même temps de mettre en avant des valeurs. Mais ça perdure encore de nos jours. Alors qu'on l'a dit, il est peut-être quand même d'abord un conservateur. Disons que c'est un professeur d'Oxford, et avec tout ce que ça veut dire entre 1925 et 1959, la toge, la connaissance du vieil anglais, plus le personnage dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a tendance à mettre à distance un peu les médias et les curieux. Côté un peu anarchiste aussi. Alors, il y a beaucoup de déclarations extrêmement dans sa correspondance où il explique qu'il est anarchiste, royaliste, bon, et dont on ne sait pas trop quoi faire. Toujours est-il que c'est plutôt la gauche qui va faire proposer une lecture politique de Tolkien. Il y a même des lectures marxistes du Seigneur des Anneaux, parce qu'à la fin du Seigneur des Anneaux, on a une dénonciation de la mécanisation, de l'industrialisation, de l'exploitation des travailleurs par un chef. Donc, beaucoup de lectures ont été proposées. Et Tolkien, effectivement, a été un peu dépassé par ce succès, mais il était programmé. Dans son esprit, le lecteur voit dans son œuvre ce qu'il veut y voir, et c'est la liberté du lecteur qui compte. Alors, comment ça va se passer, la gloire pour cet homme-là? Comment va-t-il la supporter? Ça arrive très tard aussi. Ça arrive très tard, et Tolkien est quelqu'un qui a connu des difficultés financières toute sa vie. S'il a trouvé une forme de consolation dans l'écriture de fiction la nuit, c'est parce que le jour, il était toujours en réunion, en cours, à corriger des copies, à essayer de trouver des moyens de subvenir aux besoins. On parle beaucoup dans sa correspondance, des frais médicaux pour sa famille. Donc ça n'est qu'à la toute fin de sa vie qu'il a connu une relative aisance financière. Il y a des gens qui viennent le voir, du coup il comprend pas très bien ce qui se passe, qui viennent lui demander. Alors il répond à toutes les lettres par contre. Alors, ça, vous avez raison de le souligner. Tolkien est quelqu'un qui aime beaucoup répondre aux courriers qu'on lui adresse, quel que soit son interlocuteur. Il y a des gens privilégiés qui, depuis leur enfance jusqu'à leur adolescence, ont reçu des lettres de Tolkien de 10-12 pages, qui sont en fait des sortes de fragments de romans. Mais comment ça se passe chez les hobbits pour les cadeaux? Et Tolkien explique pendant 10 ou 12 pages. Vous imaginez, il envoie la lettre en un exemplaire. Ça va jouer beaucoup, en revanche, pour son succès, au moment justement où aux États-Unis il faudra lutter contre l'édition pirate. Il y a des dizaines de fervents lecteurs qui vont motiver leurs amis, finalement, pour faire en sorte que ce soit le vrai Tolkien qui soit publié et pas l'édition pirate. Exactement. Lui, qui était un homme de societies et de groupes, fait l'objet, enfin son œuvre en tout cas, fait l'objet de lectures par des groupes et des societies qui sont encore extrêmement vivants en ce moment et qui font connaître. En France, on a la chance d'avoir des lecteurs qui, depuis 20 ans, se sont emparés de Tolkien et en ont parlé sur Internet. C'est quelque chose qu'il faut dire parce que on n'imagine pas à quel point, dans les années, à la fin des années 90, Le Seigneur des Anneaux a été l'objet de discussions collectives très démocratiques, puisqu'il n'était pas étudié à l'université, de la part de lecteurs de tous âges qui ont échangé beaucoup sur cet écrivain. Merci beaucoup, Vincent Ferret. Merci à vous. Parmi vos nombreux ouvrages, je rappellerai donc la biographie de Tolkien par Humphrey Carpenter que vous avez édité et traduit, c'est chez Pocket, et puis également, toujours chez Pocket, lire J.R.R. Tolkien que je recommande chaleureusement. Cette émission n'aurait pas pu avoir lieu sans Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Laurent Travagli-Chanal, Stéphanie Vélin et Jean Frédérics. Demain, on continue à parler de Tolkien, cette fois-ci avec Isabelle Pantin qui nous parlera plus précisément de la littérature de Tolkien et de comment on peut tenter de la caractériser, ce qu'on a déjà commencé à faire avec vous aujourd'hui, Vincent Ferré. Tout de suite, c'est la poésie sur France Culture, Jacques Bonafé. Bonjour, bonjour la compagnie. Je vous préviens, ma peau ne protège que vous. Cette étrange formule, à la réflexion, définit correctement le poème dans ses effets miroirs, ses opinions réversibles. Lui, c'est moi, ça, ce moi, c'est toi. Toi, lecteur, qui me vois quand tu me parles, c'est moi, ce toi. On est bien d'accord ? Vous connaissez un poème qui ne cherche pas de lecteur ? Non. Ma peau ne protège que vous, nous dit Laure Cambeau. Belle écorchée quand elle publie au Castor Astral. Mais nous d'abord, on va faire tourner la poésie par cet autre livre, Le manteau rapiécé de la même Laure Cambeau, qui part à la rencontre des derviches. Le manteau rapiécé, un voyage au fil du souffle aux éditions Unicité. Comme c'est bien dit, quelle publicité! Alors. Par un beau matin de l'été 2007 en Macédoine, sur un pont neutralisé à la circulation pour la grande fête de la poésie de Struga, j'ai rencontré un jeune Albanais qui partait à la recherche de ses origines Bektashi. Ce personnage est passé tel un figurant dans mon cerveau dépaysé par ce premier voyage en terre balkanique. Quelque temps plus tard, de retour en France, c'est le peintre Omer Kaleshi, originaire du trio Macédoine-Albanie-Turquie, qui m'a replongé dans ce monde merveilleux. Je suis entré par l'huile et non par le vinaigre, par le miel et non par le fiel. Je suis rentré dans les Balkans par l'huile des tableaux d'Homère, puis par le vin avec les derviches. Je suis rentré dans les tableaux, dans la toile des montagnes, dans les montagnes de toile, dans le rêve du berger, dans le berger du rêve. Je suis rentré par le gardien du blanc, dans la spirale des montagnes, jusqu'au balcon de Tomofi. Je suis rentré par les nuages, dans le monde derrière les tableaux, de l'autre côté du cadre, de l'autre côté du miroir balkanique. Je suis rentré par l'éloge, dans l'arrière-monde, en huile et en toile, délogé par l'éloge, et je m'envole là-bas, loin, très loin, derrière la montagne, à remonter le temps jusqu'au blanc d'avant l'extase. Léger effet de transe sous effet Bektashi, nous changeons de recueil. Écoutez, ma peau ne protège que vous. Fourmi muse, page 35. Ayant perdu le fil de l'histoire, je suis tombé dans un puits d'encre et ne suis jamais revenu du foie de la terre dans ce puits de mémoire et d'alcool frelaté. Il y avait des araignées d'eau qui grenouillaient, cela donnait des poèmes étranges. Des araignées prenaient mes bras pour des échelles. Dans le puits, il y avait quelques auteurs sous tombés au combat à force de tirer sur la corde. Des phrases pendu au gibet, des mots condamnés par la morale publique, des petites fourmis noires et roses chatouillaient la surface de l'encre alcoolisée à haut degré. Petites fourmis muses pour poètes myopes et saouls. Dans le puits d'encre de la mémoire, j'ai nagé bleu perdu, verte nostalgique, violette absence. L'existence de l'homme est un hammam étrange. Citation de Mevlana. Merci Jacques Bonafé, vous poursuivez demain vos lectures de textes de Laure Cambeau.